Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 113. De l'ironie ou de la fausse humilité? Est-elle un péché? Comparaison avec la jactance. 1. La fausse humilité est-elle un péché? Se taire sur des qualités avantageuses que l'on possède pour en découvrir de moins favorables que l'on trouve également en soi, ce n'est ni une fausse humilité, ni un péché, on peut diminuer de la sorte sa propre valeur, sans blesser la vérité. Mais s'abaisser au-dessous de son mérite en s'attribuant quelque chose de vil qu'on ne voit point en soi, ou en se déniant des talents que l'on possède, c'est la fausse humilité, non exempte de péché. Note. Par la raison qu'il n'est pas permis de faire un péché pour en éviter un autre, on ne doit pas fuir l'orgueil au préjudice de la vérité. N'abandonnez pas la vérité par la crainte de l'orgueil, nous dit saint Augustin. Serait-ce une humilité sage, ajoute saint Grégoire, que celle qui s'engagerait dans les filets du mensonge? Fin de la note. 2. La fausse humilité est-elle un moindre péché que la jactance? Le philosophe disait, « Ceux qui se font plus petits qu'ils ne sont, blessent moins les mœurs que ceux qui s'élèvent au-dessus de leur mérite. » De part et d'autre, il y a mensonge, mais le motif de la jactance est ordinairement plus honteux que celui de la fausse humilité. On se vante par le désir du lucre ou de la vaine gloire, au lieu que l'on s'abaisse pour ne pas blesser les autres par des airs de hauteur. Mais si, dans ces conditions, la jactance est un plus grand désordre que la fausse humilité, celle-ci n'en a pas moins plus de gravité, quand on se déprécie pour tromper avec perfidie. Note. La jactance et la fausse modestie dérivent souvent d'un même principe, de l'orgueil. Celui qui s'humilie malicieusement, dit le Saint-Esprit, agit avec un cœur plein d'astuces. Ecclésiastique 19, 23. Il parle d'un ton humble. Mais ne vous fiez pas à lui. Il a au fond de son cœur cet repli de méchanceté. Proverbe 26, 25. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.